dans la rue, j'ai souri en te voyant. Puis on est sortis, copains simplement. Des mois ont passé, des mois, et puis maintenant, l'amour est venu pour moi, je ne sais comment. Tu m'as présenté un beau jour à tes parents. Tu m'as présenté malheureusement. Ton père a souri d'un air qui en disait long. Et puis j'ai appris qu'il avait beaucoup d'argent. Va dire à ton père que tout son argent qu'il peut le garder. Va dire à ton père que le grand bonheur ne peut s'acheter. Depuis ce moment, je vois que tu as changé. En me regardant, tu parais gêné. Je sens bien qu'un jour, il faudra nous séparer. Tu es un bon fils, mais tu es ce que tu es. Va dire à ton père que tout son argent, il peut le garder.